Chapitre 13. Les deux oncles. Sir Roger ria quand le docteur Thorne entra dans sa chambre. « Si tout cela n'est pas amusant, je ne m'y connais pas. Mais docteur, pourquoi ne l'a-t-on pas mis sous la pompe ?» Le docteur avait trop de tact, il avait surtout trop de choses importantes à discuter pour s'étendre longuement sur la colère du docteur Philgrave. Il était venu avec l'intention bien arrêtée d'ouvrir les yeux de Sir Roger sur les conséquences que son testament pourrait avoir. Il avait en outre à négocier un nouvel emprunt pour M. Gresham, si cela était possible. Il aborda donc d'emblée ce dernier sujet comme étant le plus facile, mais il vit aussitôt que Sir Roger, malgré sa maladie, ne perdait pas de vue ses intérêts. Il était tout disposé à prêter 6, 8, 10, 20 000 livres sterling à M. Gresham, mais à condition qu'on lui livrerait les titres de la propriété. Comment ? Les titres de Greshamsbury pour quelques milliers de livres ? Dit le docteur. Je ne sais si l'on doit donner ce nom à 90 000 livres, mais la dette se montra à peu de choses près à cela. Ah oui, mais c'est l'ancien emprunt. L'ancien et le nouveau ensemble, naturellement. Tout ce que je prête maintenant diminue ma sécurité pour l'ancienne dette. Mais vous aurez toujours la première hypothèque, Sir Roger. Je devrais avoir la première et la dernière pour couvrir une dette semblable. S'il vaut encore de l'argent, qu'il livre ses titres, docteur. Après avoir discuté assez longtemps ce sujet sans rien obtenir, le docteur se dit qu'il valait mieux en aborder un autre. « Vous êtes bien dur, Sir Roger. »« Non, je ne le suis pas, c'est-à-dire je ne le suis pas trop. L'argent l'est toujours. Je sais que, pour ma part, j'ai trouvé qu'il était bien dur à gagner, et ce n'est pas une raison pour que le squire de Greshamsbury le trouve bien tendre pour lui. »« Très bien, n'en parlons plus. Je pensais que vous l'auriez fait pour m'obliger. Comment ?» Accepter une mauvaise garantie pour vous obliger. Bien, bien, n'en parlons plus. Parlons-en, au contraire. Je suis tout aussi disposé qu'un autre à obliger un ami. Je veux bien vous prêter à vous 5 000 livres sterling sans garantie aucune si vous en avez besoin. Vous savez fort bien que je n'en ai pas besoin, ou du moins que je ne les accepterai pas. Mais me demander de continuer à prêter à un homme qui est criblé de dettes pour vous obliger, cela est un peu fort. Bref, que ce soit fini. J'ai maintenant à vous parler de votre testament. Oh, c'est aussi une affaire terminée. Non, Scatcherd, ce n'est point une affaire terminée, et vous le reconnaîtrez vous-même quand vous aurez appris ce que j'ai à vous dire. Ce que vous avez à me dire ? Demanda Sir Roger. Et qu'avez-vous donc à me dire ? Votre testament désigne l'aîné des enfants de votre sœur. Oui, mais seulement dans le cas où Louis-Philippe viendrait à mourir avant d'avoir 25 ans. Précisément. Mais je suis venu tout exprès pour vous dire que je sais quelque chose de l'aîné des enfants de votre sœur. Vous savez quelque chose de l'enfant de Mary ? Oui, Scatcherd, c'est une histoire qui vous fâchera peut-être, mais je n'y puis rien. Je ne vous en parlerai pas si je pouvais faire autrement. Et comme c'est dans votre intérêt et non dans le mien que je me décide à vous en parler, je réclame de votre part le silence le plus complet. Sir Roger le regarda attentivement. Il y avait dans la voix du docteur un certain ton d'autorité qui imposa au baronnet, comme il avait autrefois imposé au tailleur de pierre. « Me promettez-vous de ne pas répéter ce que je vais vous dire ?»« Vous le promettre ? Je ne sais trop. Je n'aime pas faire d'une promesse aussi vague. »« Alors je m'en remets à votre honneur, car ce que j'ai à vous dire doit être dit. Vous souvenez-vous de mon frère, Scatcherd ?»« Si je me souviens de son frère, se dit l'homme riche. » Le nom du frère du docteur n'avait pas été prononcé entre eux depuis le jour du jugement, mais il était impossible que Scatcherd l'eût oublié. « Oui, oui, certainement, je me souviens de votre frère. »« Je m'en souviens parfaitement, il n'y a pas de doute. »« Eh bien, Scatcherd ?» Et le docteur mit affectueusement sa main sur le bras du baronnet. « L'aîné des enfants de Mary était aussi l'enfant de mon frère. »« Mais cet enfant n'existe pas !» dit Sir Roger. Et dans la véhémence de son geste, rejetant ses couvertures, il essaya de se mettre sur son séant. Mais ce fut au-dessus de ses forces, et il lui fallut s'appuyer sur le bras du docteur. « Cet enfant n'a jamais existé, qu'entendez-vous donc par là ?» Le docteur refusa de lui répondre avant qu'il se fût incliné sur son oreiller. Il parvint enfin à l'y décider, puis il reprit « Oui, Scatcherd, cet enfant existe, et c'est parce que j'ai craint que vous ne la fissiez votre héritière, votre insu. » Que j'ai jugé convenable de vous en parler. C'est donc une fille ? Oui, une fille. Et pourquoi voudriez-vous lui nuire ? Si elle est l'enfant de Mary, elle est aussi l'enfant de votre frère. Si elle est ma nièce, elle est aussi la vôtre. Pourquoi donc voudriez-vous lui nuire ? Je n'en ai nullement l'intention. Où est-elle ? Qui est-elle ? Comment s'appelle-t-elle ? Où demeure-t-elle ? Le docteur ne répondit pas tout de suite à ces questions. Il avait bien résolu de dire à Sir Roger que cet enfant existait, mais il n'était pas encore décidé à lui révéler toute son histoire. Il ne savait même pas s'il lui apprendrait que cet enfant était l'ange gardien de son foyer. « Dans tous les cas, cet enfant existe, » dit-il. « Je puis vous en donner l'assurance, et d'après votre testament, ce sera elle qui serait votre héritière si votre fils venait à mourir avant d'avoir 25 ans. Je ne cherche nullement à lui nuire, mais j'aurais tort de vous laisser faire un pareil testament et de vous cacher plus longtemps l'existence de cet enfant. Mais où est-elle donc ? Je ne sache pas que cela soit bien intéressant pour vous. Intéressant ? C'est au contraire très intéressant. Mais Thorn, à présent que j'y réfléchis, je me souviens. C'était... N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que l'enfant n'avait pas vécu ? C'est possible. C'était donc un mensonge. Un mensonge, oui. Mais ce que je vous dis maintenant est vrai. Je vous ai cru alors, Thorn, alors que j'étais un homme brisé, languissant dans une prison. Mais je vous le dis franchement, je ne vous crois pas aujourd'hui. Vous avez sans doute quelque dessein caché. Quel que soit mon dessein, vous avez le pouvoir de le déjouer en faisant un autre testament. Que puis-je gagner à vous apprendre tout cela ? Je ne le fais que pour vous engager à désigner plus clairement votre héritier. Ils gardèrent un moment le silence. Pendant ce temps, le baronet sortit une bouteille d'eau-de-vie de dessous son oreiller et s'en versa un verre qu'il avala tout d'un trait. Quand un homme apprend aussi inopinément de pareilles nouvelles, il lui eut bien permis de se réconforter un peu, hein, docteur ? Le docteur n'en voyait pas la nécessité, mais il comprit que le moment serait mal choisi pour débattre ce point-là. « Allons, Thorn, où est-elle ? » ?»« Il faut me le dire. C'est ma nièce, j'ai le droit de le savoir. Elle viendra ici et je ferai quelque chose pour elle. Par Dieu, j'aime autant qu'elle ait l'argent qu'un autre, c'est une bonne fille. Est-ce une bonne fille ? » ?»« Bonne ? » dit le docteur en se détournant. « Oui, vraiment, elle est bonne. Elle doit être grande maintenant. Ce n'est pas une évaporée, au moins. »« C'est une bonne fille, » dit le docteur d'un air sévère. Il ne pouvait se décider à en dire davantage. Mary était une bonne, une excellente fille jusqu'au moment où... Et Sir Roger se souleva sur son lit, brandissant son poing comme s'il se fût disposé à frapper encore ce terrible coup dont les suites avaient été si fatales. « Mais voyons, il est inutile de revenir sur tout cela. Vous vous êtes conduit en homme de cœur. Ainsi, l'enfant de cette pauvre Mary existe encore. Vous le dites, du moins. Je le dis, et vous pouvez me croire. Pourquoi vous tromperais-je ? Non, je ne vois pas pourquoi. Mais alors pourquoi m'avoir trompé auparavant ? Il y eut un autre moment de silence, car le docteur ne voulait pas répondre à cette question. « Comment l'appelez-vous, docteur ? » ?»« Elle s'appelle Mary. »« Mary ? Le plus joli nom de femme ! » !»« Il n'y a pas de nom comme celui-là, » dit l'ancien maçon d'une voix empreinte d'une tendresse inusitée. « Mary, oui, mais Mary quoi ? Quel autre nom porte-t-elle ? » Le docteur hésita. « Mary Scatcherd ? » ?»« Non. » « Pas Mary Scatcherd, Mary quoi alors ?»« Car avec votre orgueil du diable, vous n'auriez pas voulu l'appeler Mary Thorne, j'en suis bien sûr. » C'en était trop pour le pauvre docteur. Il sentit ses yeux se remplir de larmes et il s'approcha de la fenêtre pour les essuyer furtivement. Eût-il eu 50 noms plus chers les uns que les autres, le plus cher et le plus sacré de tous eût été à peine assez bon pour sa nièce bien-aimée. « Mary quoi, docteur ? Voyons, si cet enfant doit m'appartenir, si je dois pourvoir à son entretien, il faut bien que je sache son nom et surtout que je sache où la trouver. » « Et qui vous demande de pourvoir à son entretien ? » dit le docteur d'un ton irrité en se tournant vers l'oncle rival. « Qui vous dit jamais qu'elle doit vous appartenir ? Elle ne vous sera jamais à charge. Je ne vous ai révélé son existence que pour l'acquit de ma conscience. Son avenir est assuré, c'est-à-dire, elle n'a besoin de rien. Ne vous en préoccupez pas. Mais si elle est vraiment l'enfant de Mary, je vais m'en occuper. Qui donc devrait le faire ? Et quant à ma fortune, j'aimerais mieux qu'elle n'eût qu'aucun des enfants là-bas en Amérique. Que m'importe qu'elle soit illégitime, pourvu qu'elle soit bonne fille ? A-t-elle jamais appris quelque chose ? Sait-elle un peu lire ou écrire ? Pour le moment, le docteur éprouvait pour son ami le baronnet une haine presque mortelle. Il répugnait à ses sentiments d'entendre cet homme grossier parler de Mary comme si elle lui eût appartenu, de l'entendre émettre un doute sur les qualités et les vertus de l'ange qui faisait la joie de sa maison. Il ne put s'empêcher de penser au talent et à l'instruction cultivée de Mary, à ses manières si distinguées et si séduisantes, à son intimité avec Patience Auriel et à sa tendre affection pour Beatrice Gresham, à sa beauté si douce, si féminine. Oui, en songeant à tout cela, il se prit à haïr Sir Roger et à le regarder comme il eût pu regarder un animal immonde se roulant dans la fange. Enfin la lumière sembla se faire jour dans l'esprit de Sir Roger. Le docteur Thorne ne répondait pas à sa dernière question. Une émotion extraordinaire semblait l'agiter. Pourquoi ce sujet lui était-il si pénible? Sir Roger n'avait jamais été chez le docteur à Greshamsbury. Il n'avait jamais vu Mary Thorne, mais il savait qu'une jeune parente demeurait avec lui. Tout cela fut un trait de lumière pour le baronnet. Il venait de reprocher au docteur son orgueil. Il lui avait dit qu'il était impossible qu'il eût donné son nom à l'enfant de sa sœur. Mais s'il s'était trompé, si cet enfant était bien celle qui faisait la consolation du docteur? Allons, Thorne, dites-moi son nom. Si c'est le vôtre qu'elle porte, je vous préviens que j'aurai de vous une beaucoup plus haute opinion qu'auparavant. Voyons, Thorne, moi aussi je suis son oncle. J'ai bien le droit de le savoir. Elle s'appelle Mary Thorne, n'est-ce pas? Le docteur n'eut ni la dureté ni le courage de le nier. Oui, c'est son nom. Elle demeure avec moi. Oui, et avec tous ces grands seigneurs de Greshamsbury, j'en ai entendu parler. Elle demeure chez moi. Elle m'appartient. C'est ma fille. Elle viendra passer ici quelque temps avec Lady Scatcherd. Elle viendra nous voir. Quant à mon testament, j'en ferai un autre. Oui, faites-en un autre, ou du moins, changez vos dispositions. Mais quant à Miss Thorne... Comment, Mary? Soit, Mary. Quant à ce que Mary Thorne vienne ici, je crains que cela ne soit pas possible. Elle ne peut pas avoir deux familles. Son sort est uni à celui d'un de ses deux oncles, et elle restera avec lui maintenant. Vous entendez donc qu'elle n'ait jamais d'autres parents que vous? Qu'un seul comme moi, oui. Elle ne serait pas heureuse ici. Elle n'aime pas les nouveaux visages. Vous avez assez de personnes qui dépendent de vous. Moi, je n'ai qu'elle. Assez. Je n'ai que Louis-Philippe. Et je pourrais doter une douzaine de filles. Bien, bien, ne parlons plus de cela. C'est aisé de dire. Mais à présent que vous m'avez appris l'existence de cet enfant, je ne puis faire autrement que d'en parler. Si vous teniez à ce que tout cela reste un secret, il ne fallait pas me le dire. C'est ma nièce aussi bien que la vôtre. Et j'aimais ma sœur tout autant que vous aimiez votre frère. Quiconque aurait vu ou entendu en ce moment l'entrepreneur de chemin de fer n'aurait plus reconnu l'homme qui, une heure auparavant, insistait pour qu'on l'on mît le médecin de Barchester sous la pompe. Vous avez votre fils, Scatcherd. Moi, je n'ai que cet enfant. Je ne désire pas vous l'enlever, mais il me semble qu'il n'y a pas de mal à ce qu'elle vienne nous voir. Je puis la doter, Thorne. Je puis la doter sans faire tort à Louis-Philippe. Que sont pour moi 10 ou 15 000 livres sterling? Pensez-y bien, Thorne. Le docteur y pensait en effet, et pendant cette entrevue, il pensa à bien des choses sur lesquelles il se vit forcé de prendre un parti un peu trop à la hâte. Était-il prudent de sa part de rejeter pour Mary les chances de fortune qui se présentaient pour elle? Mais s'il les acceptait, ne sacrifiait-il pas quelque chose de plus précieux encore? Scatcherd était un homme entêté et volontaire, disposé à la tendresse pour le moment, mais pouvait-on compter sur cette tendresse? Le docteur confierait-il à un pareil homme le bonheur de sa nièce chérie? De toute manière, il crut agir pour le mieux en rejetant ses offres de fortune et en gardant Mary auprès de lui. Elle avait dit elle-même « Certaines personnes doivent rester étroitement unies » et le sort semblait en avoir décidé ainsi pour eux. Elle avait trouvé sa place à son foyer, sa place dans le monde, et il valait mieux qu'elle la gardât que d'en aller chercher une autre plus opulente, mais moins convenable pour elle. « Non, Scatcherd. » dit-il enfin. « Elle ne peut venir ici, elle n'y serait pas heureuse. Et à vous dire vrai, je ne désire pas qu'elle sache qu'elle a d'autres parents. »« Ah, parce qu'elle aurait honte de sa mère et du frère de sa mère. C'est là ce que vous voulez dire. Elle est trop grande dame pour me donner la main, pour m'embrasser et m'appeler son oncle. »« Nous ne sommes pas assez grands seigneurs pour elle, hein ?»« Vous êtes libre de dire ce que bon vous semble, Scatcherd. Je ne puis vous en empêcher. »« Mais je ne sais comment vous vous arrangez avec votre conscience. » De quel droit rejetez-vous d'aussi grands avantages pour cette jeune fille? Quelle fortune avez-vous à lui donner? J'ai fait pour elle ce que j'ai pu, dit le docteur avec fierté. Bien, bien, bien. De ma vie, je n'ai entendu quelque chose de pareil. L'enfant de Mary, de ma sœur Mary. Et il ne m'est pas permis de la voir, mais je vous en avertis, Thorne. Je veux la voir, je la verrai. J'irai à Greshamsbury. Je lui dirai qui je suis et ce que je puis faire pour elle. Je vous en avertis franchement. Vous ne l'éloignerez pas de ceux qui veulent et qui peuvent lui faire du bien. La fille de Mary, une autre Mary Scatcherd. Je voudrais presque qu'elle s'appelât Mary Scatcherd. Lui ressemble-t-elle, Thorne? Dites-moi, ressemble-t-elle à sa mère? Je ne me rappelle plus sa mère, du moins pas en bonne santé. Vous ne vous la rappelez plus? En tout cas, c'était la plus jolie fille de tout Barchester. On le lui accordait bien. Je ne pensais pas jamais reparler d'elle. Mais à présent, Thorne, vous pouvez bien attendre à me voir aller à Greshamsbury. Voyons, Scatcherd, dit le docteur en revenant s'asseoir auprès du lit de Sir Roger. Vous ne viendrez pas à Greshamsbury. Oh, certainement, j'irai. Écoutez-moi, Scatcherd. Je ne veux pas ici faire mon éloge. Mais lorsque l'enfant avait 6 mois, elle se trouva être un obstacle à la fortune de sa mère. Tomlinson voulait bien épouser la mère, mais il ne voulait pas se charger de l'enfant. Je m'en chargeais moi, en promettant à votre sœur de lui servir de père. J'ai tenu parole. Elle est chez moi. Elle a sa place à mon foyer et à ma table. En un mot, c'est mon enfant. J'ai donc le droit de décider ce qui vaut mieux pour elle. Sa vie n'est pas votre vie. Ses habitudes ne sont pas les vôtres. Oh, je comprends. Nous sommes trop vulgaires pour elle. Prenez-le comme vous l'entendrez, dit le docteur, qui était trop pénétré de ce qu'il disait pour craindre d'offenser son ami. Je n'ai pas dit cela. Je dis seulement que vous différez essentiellement dans votre manière de vivre. Elle n'aimerait pas un oncle qui aurait une bouteille d'eau-de-vie sous son oreiller, hein? Vous ne pourriez pas la voir sans lui faire connaître la parenté qui existe entre vous, et je ne veux pas qu'elle sache qu'elle a d'autres parents. Je n'ai jamais connu personne qui eût honte d'un parent riche. Comment comptez-vous donc lui trouver un mari? Je vous ai révélé son existence, continua le docteur, sans avoir l'air de faire attention aux dernières paroles de Sir Roger, parce que j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous apprendre que votre sœur m'avait laissé cet enfant, et afin d'éviter les ennuis et les chagrins du procès que pourrait occasionner votre testament après notre mort à tous deux. Vous devez comprendre que mon motif était honorable, et tout à votre avantage. Vous êtes vous-même trop honorable pour abuser de ce secret et vouloir me rendre malheureux. Bien, bien, docteur. Dans tous les cas, vous êtes un brave homme, j'en conviens. Mais je penserai à tout cela. Je suis encore tout ému de savoir que j'ai si près de moi une enfant de mari. Et maintenant, adieu, Scatcherd. Nous nous séparons en amis, n'est-ce pas? Mais docteur, vous n'allez pas me quitter ainsi. Que dois-je faire? Quel remède me faut-il prendre? Combien d'eau-de-vie puis-je boire? Puis-je avoir une côtelette à dîner? Le diable m'emporte, si vous allez m'abandonner après avoir chassé Philgrave de la maison. Le docteur Thorne ne put s'empêcher de rire, et s'asseyant, il écrivit une prescription qui se bornait presque entièrement à interdire l'eau-de-vie ou sinon à en boire le moins possible. Cela fait, le docteur se disposait de nouveau à se retirer, mais arrivé à la porte, il s'entendit rappeler. « Thorne, Thorne, à propos de cet argent pour M. Gresham, faites comme il vous plaira. Lui faut-il 10 000 livres? Il les aura. Je vais faire expédier cela par Winterbones. 5%, n'est-ce pas? Non, 4,5. C'est bien. Il aura encore 10 000 livres sterling. Merci, Scatcherd, merci. Je vous suis en vérité bien obligé. C'est un service que je ne vous aurais pas demandé, si je n'avais pas été sûr que vous ne courriez aucun risque. Adieu, mon vieil ami. Débarrassez-vous le plus tôt possible de ce compagnon de lit. » Et il se dirigea de nouveau vers la porte. « Thorne !» s'écria encore Sir Roger. « Revenez donc un instant. Ne voulez-vous pas me permettre de lui envoyer un petit cadeau? 50 livres seulement pour acheter quelques chiffons. » Le docteur réussit à s'esquiver sans répondre à cette question. Puis, ayant fait ses adieux à Lady Scatcherd, il remonta à cheval et reprit le chemin de Greshamsbury.